On n'est pas venu pour te transmettre notre envie d'écrire. On est venu pour te soumettre à notre droit de dire. Notre parole est libre, voilà de nos démos jetés au vent. Nous sommes invincibles puisqu'aujourd'hui tu nous entends. Dans l'encre de nos stylos, nous resterons des indomptés. Poètes pacifistes dont seuls les mots sont armés. Nos cartouches de papier, nous savons les utiliser. Nos voix sont les seules flèches ayant des cibles à transpercer. Notre famille islamistique occupe tout notre cœur. Déborde sur nos trottoirs, peu importe leur couleur. Nous sommes les nouveaux utopistes d'une prose révolutionnaire. Nouvelle génération de la langue française, nous sommes les mercenaires. Avant d'être slammeurs, backeurs ou rappeurs, nous sommes une grande armée de rêveurs. Prêts à toucher le monde de la pointe de nos stylos, nous tournoyons dans la ronde, infinie de nos mots. Aucune frontière ne vient freiner ou arrêter nos quatrains indomptés, même parfois enflammés. Écoutez-nous, car chaque jour nous viendrons déclamer. Peut-être à votre tour, direz-vous, ça va slammer. Pas de fausse pudeur, pas de fausse candeur, notre bande de potes n'a plus aucune frayeur. Nous sommes des accros de la plume prêts à venir vous convertir, si vous ressentez un seul instant la moindre soif d'écrire. Aujourd'hui tu subis l'attentat de nos voix, demain une autre oreille ailleurs nous entendra. Nos mains et nos stylos refusent de se taire, nous sommes les poètes du nouveau millénaire. On n'est pas venu pour te transmettre notre envie d'écrire. On est venu pour te soumettre à notre droit de dire. Notre parole est libre, voilà de nos démos jetés au vent. Nous sommes invincibles puisqu'aujourd'hui tu nous entends. Dans l'encre de nos stylos, nous resterons des indomptés. Poètes pacifistes dont seuls les mots sont armés. Nos cartouches de papier, nous savons les utiliser. Nos voix sont les seules flèches ayant des cibles à transpercer. Notre famille islamistique occupe tout notre cœur. Déborde sur nos trottoirs, peu importe leur couleur. Nous sommes les nouveaux utopistes d'une prose révolutionnaire. Nouvelle génération de la langue française, nous sommes les mercenaires. Avant d'être slammeurs, backeurs ou rappeurs, nous sommes une grande armée de rêveurs. Prêts à toucher le monde de la pointe de nos stylos, nous tournoyons dans la ronde, infinie de nos mots. Aucune frontière ne vient freiner ou arrêter nos quatrains indomptés, même parfois enflammés. Écoutez-nous, car chaque jour nous viendrons déclamer. Peut-être à votre tour, direz-vous, ça va slammer. Pas de fausse pudeur, pas de fausse candeur, notre bande de potes n'a plus aucune frayeur. Nous sommes des accros de la plume prêts à venir vous convertir, si vous ressentez un seul instant la moindre soif d'écrire. Aujourd'hui tu subis l'attentat de nos voix, demain une autre oreille ailleurs nous entendra. Nos mains et nos stylos refusent de se taire, nous sommes les poètes, nouveau millénaire.